La délégation du Parti de l'État de la République populaire démocratique de Corée, conduite par Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti de travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du Parti, a regagné la patrie par avion le 9 courant au terme de sa participation aux cérémonies consacrées au décès du camarade Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la Révolution cubaine.